16-15, observation, le temps qui passe, imparfait et passé composé. Considérez cette phrase. Autrefois, nous allions à Belle-Île-en-Mer, mais l'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. Imparfait. Autrefois, nous allions à Belle-Île. C'est considéré comme une durée. Passé composé. L'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. Là, c'est considéré comme un point dans le temps. Nous allions est à l'imparfait. Nous sommes allés est au passé composé. Nous allions est considéré comme une action étendue sur une période de temps. Une action qui a duré, qui a continué pendant toute la période de temps en question. Autrefois, le passé, l'enfance de Mireille, toute la période où Mireille était petite. C'est une action qui est considérée dans son extension, dans sa durée. Nous sommes allés et présentés comme un événement nouveau qui s'est passé l'été dernier et qui est considéré comme un point dans le temps et non comme une durée. Autres exemples. 1. Ma mère est née pendant que mes grands-parents étaient à La Rochelle. Ma mère est née. Point dans le temps. Pendant que mes grands-parents étaient à La Rochelle. Durée. 2. Ma mère a rencontré Madame Courtois. Point. Pendant que mes grands-parents étaient à Bayonne. Durée. 3. Mes grands-parents sont morts. Point. Quand j'avais 4 ou 5 ans. Durée. 4. Mon bateau était au milieu du bassin tout à l'heure. Durée. Et puis, il est revenu. Point. La distinction entre imparfait et passé composé est difficile à faire. Nous étudierons ce problème plus tard.